Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie, les 6 heures, ça y est, les gros nuages arrivent. Y aura-t-il de la pluie avec? Vu la couleur, il y a des chances. Bonne fête à Mathieu et à Déborah. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Mais Delphine, on commence avec deux infos trafic. La première, c'est qu'il y a un camion qui a crevé un pneu juste avant le nouveau pont du Médipôle dans le sens Paita-Nouméa. C'est un gros camion. Il est sur la voie droite, sur la bande d'arrêt d'urgence, il n'y a pas de problème. Mais au moment où il devra changer sa roue, ça risque d'être un peu plus compliqué et dangereux pour le chauffeur. Donc merci d'être prudent à l'approche du Médipôle. De l'autre côté. Eh bien, de l'autre côté, c'est à Saint-Louis. C'est un bus qui est en panne sur la voie de droite dans le sens Nouméa-Mondor à la limite du pont de la Ty. Ça ralentissait énormément. Il y a déjà une bonne vingtaine de minutes. Donc soyez prudents. Je rappelle donc un bus au niveau du pont de la Ty à Saint-Louis. Voilà, on arrive à ce qui fait l'actualité en ce mercredi 21 septembre. Et le plan d'urgence local de soutien à l'emploi prend corps. Parmi les plus importantes mesures, on note l'ouverture des prêts à taux zéro aux familles de deux personnes, l'étendue de l'indemnisation du chômage partiel, ainsi que la possibilité pour les entreprises qui obtiennent un marché de moins de 100 millions de francs avec une collectivité d'avoir une avance de 25%. La reconstruction du ponton du Château Royal prend forme. Hier, c'est la province sud qui a donc annoncé l'ouverture de discussions avec la mairie pour reconstruire l'ouvrage. Mais en attendant, le ponton restera fermé. L'incendie de Ouégua a été maîtrisé. Il aurait ravagé au total 900 hectares de végétation. L'exploitation porcine et l'habitation attenante ont été préservées. François Hollande a lancé mardi un appel pressant à la communauté internationale pour mettre fin au conflit en Syrie. Je n'ai qu'un seul mot à dire, ça suffit. De nouvelles interpellations dans l'enquête sur la fausse alerte à l'attentat terroriste à Paris. Deux autres mineurs âgés de 17 et 14 ans ont été interpellés à leur tour en Vendée et en Lozère. Et puis, 8 personnes qui ont également été interpellées à Nice et dans ses environs, dans l'entourage de Mohamed Lawajed Boulel, le tueur au camion. Et puis, flambée de violence et de colère en RDC, les manifestations lancées à l'appel des principaux partis d'opposition qui n'entendent offrir aucun délai supplémentaire au président sortant démontre que la rue congolaise demeure hautement inflammable. Enfin, après 12 années passées ensemble, Angelina Jolie a demandé le divorce de son époux Brad Pitt et la garde de leurs 6 enfants. Ensemble, ils étaient l'un des couples les plus glamour d'Hollywood. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. Mais sérieusement, ça fait donc les gros titres, la séparation d'Angelina Jolie et de Brad Pitt. Ouais, tous les principaux médias en parlent. C'est fou ça. Ouais, déjà, tu dois me faire cette question. C'est qui Brad Pitt et Angelina Jolie, c'est ça? Ah, mais je les connais, Brad Pitt. Il est brun, c'est ça, ouais. Non, ouais, il a fait des films incroyables. Ouais, j'aime bien ses chansons aussi. Surtout son dernier album. Ah, mais il est extraordinaire. Quand il chante avec Justin Bieber. C'était Justin Bieber. C'est qui Justin Bieber? Et donc, nous aurons aussi ce matin des cadeaux. On va jouer avec la pièce de théâtre Elle, qui a un bon moment à venir. Et c'est cadeau ce matin. On rappelle également que du côté de la route, on avait un bus à Saint-Louis qui était en panne au niveau du pont de la Ty et un camion, un gros camion dans le sens Paita-Nouméa qui lui a crevé un pneu. Et oui, il a crevé un pneu. Et donc, il est bien sur la voie droite, sur la voie à la bande d'arrêt d'urgence, mais il est tellement gros le camion que attention à l'approche donc de ces deux points chauds de la circulation. Il est 6h04. If I act a fool, it's because of you.

valable. Quoi, fin valable? Ben, jusqu'au 30 septembre, chez Toyota, c'est moins 400 000 sur les Land Cruiser Sam Cabine. Ah, ok, fin valable. Eh, mais attends, c'est pas fini. Toyota réouvre son showroom fin beau à Ducos et son service après-vente fin parfait au 6e kilomètre au rond-point de la GBNC. Trop choc. C'est net. Toyota vous attend dans son nouveau showroom, 12 rue Lavoisier à Ducos. Info sur Facebook ou sur www.toyota.nc. Toyota, toujours là pour vous. 25 52 52. Attention, ce sont les derniers jours pour envoyer Mel Annie. Mais non, c'est pas Mel Annie qu'il faut envoyer, c'est Melbourne. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo! Envoie Melbourne au 411. Énergie t'offre un aller-retour pour deux personnes pour Melbourne. Validité 6 mois. Envoie Melbourne au 411. Et pour 368 francs, gagne un cadeau de 145 600 francs. Envoie Melbourne au 411. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Attention, ce sont les derniers jours. Tirage le vendredi 30 septembre à midi en direct sur Énergie. Le bulletin météo d'énergie avec la nouvelle Subaru XV. Décidez de la voie à suivre, vivez votre aventure. Le point avec Météo France. Ce matin, quelques amas nuageux concernent le sud de la côte ouest, tandis que d'autres gagnent marée. Ils se dissipent progressivement et peuvent donner de rares averses. Ailleurs, le temps est sec et ensoleillé, avec un vent qui s'oriente au secteur sud, qui souffle autour de Dineux sur le sud de la côte ouest. L'île des Pins est marée, les variables faibles ailleurs. Dans l'après-midi, quelques nuages s'accrochent sur le relief et ses versants en est, ainsi qu'au Loyauté. Ils peuvent donner quelques gouttes. Ailleurs, le soleil garde l'avantage et les températures maximales restent comprises dans la fourchette de 26 à 31 degrés. Demain, ce sera encore une journée bien ensoleillée, seul bémol, quelques nuages se forment sur le relief et ses versants est en s'accompagnant parfois de petites ondées. Le vent reste faible, variant au gré des brises thermiques et les températures sont stables. Même chose un vendredi, de nombreux nuages d'altitude circulent sur le pays, mais le temps reste sec. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens. Avec la nouvelle Subaru XV, l'aventure commence sur www.subaru.nc. Amigo, ah, viens couper, décaler. Les gens, ils sont en train de couper, décaler là-bas. Oh, la prudence, ya. Ça aussi, ça inquiète les gens. Couper, couper. Ils sont en train de gâter nos coins là-bas. Couper, décaler. Il faut travailler. Couper, décaler. Il faut travailler. Énergie, 6h30. L'infotrafic. Et on continue avec ce bus en panne au niveau du pont de Lati. C'était vers 6h moins 20 et gros ralentissement encore puisque à 6h26 ça roulait au pas au niveau des pompiers du Mont d'Or. Donc ce bus était en panne. Et puis on avait un autre camion, par contre on n'en a pas de nouvelles au niveau du pont de Médipôle dans le sens Païta Nouméa. Il y avait un gros camion avec un pneu crevé. Donc si vous avez des infos, 05 34 34 du côté du Mont d'Or, donc la circulation ne s'est toujours pas arrangée. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Materio Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 04 04. L'info sur énergie dès maintenant. Et puis je vous rappelle, vous gagnez des places pour le spectacle Elki. Je vous donne les instructions dans moins de 5 minutes. Toute l'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Le Pulse, le plan d'urgence local de soutien à l'emploi prend corps. L'objectif affiché par le gouvernement à travers ce plan est de soutenir l'emploi. Et pour cela, il a arrêté hier 2 projets de délibération, 3 conventions et 3 arrêtés qui marquent un pas supplémentaire vers la mise en œuvre des mesures prévues par le texte. Parmi les plus importantes, on note l'ouverture des prêts à taux zéro aux familles de 2 personnes, l'étendue de l'indemnisation du chômage partiel ainsi que la possibilité pour les entreprises qui obtiennent un marché de moins de 100 millions de francs avec une collectivité d'avoir une avance de 25%. Au global, le gouvernement veut injecter 230 millions dans les conventions signées avec les provinces, dont 80 millions sont déjà inscrits au budget supplémentaire 2016. La reconstruction du ponton du Château Royal prend forme. Lundi, la députée maire Sonia Lagarde manifester son intention de reconstruire l'ouvrage. Eh bien, hier, la province sud a annoncé l'ouverture de discussions dans ce sens, dans l'objectif de conclure un partenariat financier avec la ville. Depuis le 14 septembre, l'ouvrage est fermé en raison d'accidents enregistrés ces derniers mois. Eh bien, en attendant de réfléchir au financement pour le rebâtir, le ponton restera fermé. François Hollande a lancé mardi un appel pressant à la communauté internationale pour mettre fin au conflit en Syrie. Je n'ai qu'un seul mot à dire, ça suffit. Voilà ce qu'a lancé le chef de l'État français, pointant le régime syrien responsable, selon lui, de l'échec du cessez-le-feu conclu sous l'égide des États-Unis et la Russie. La tragédie syrienne sera devant l'histoire une honte pour la communauté internationale si nous n'y mettons pas fin rapidement. Voilà ce qu'il affirme en qualifiant Alep de ville aujourd'hui martyre. Et puis 3 mineurs ont été interpellés depuis lundi dans le cadre de l'enquête sur la fausse alerte à l'attentat qui a entraîné samedi une vaste opération de police dans le centre de Paris. Un premier adolescent de 16 ans qui se présente sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Tyler Swatting a été interpellé lundi dans la Marne. Eh bien, il a reconnu lors de sa garde à vue être l'un des auteurs du canular. 2 autres mineurs âgés de 17 et 14 ans ont été interpellés à leur tour mardi, respectivement en Vendée et en Lozère. Les enquêteurs cherchent à déterminer si le plus âgé est le second hacker, un pirate informatique. Enfin, Brad Pitt et Angelina divorcent. Leur mariage en 2014 avait été l'une des unions les plus attendues de la planète. Après 12 ans passés ensemble, Angelina Jolie a donc demandé le divorce de son époux Brad Pitt. L'actrice et réalisatrice américaine de 41 ans a demandé la garde de leurs 6 enfants et requis au juge qu'il permette des visites à Brad Pitt. Toute l'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, oh. Come as we are. we gone. Et l'infotrafic revient. L'infotrafic. Vous êtes super efficace hein, ce matin. On sait donc que depuis 5h30, il y a un bus en panne au niveau du pont de Laty, donc avant Saint-Louis. La circulation se fait toujours de façon alternée. La gendarmerie est sur place, mais ça bouchonne et ça remonte bien au-delà des pompiers du Mont d'Or. Que peut-on dire encore sur le camion donc, qui a toujours un pneu crevé avant le pont du Médipôle. Il est bien sur la voie de droite, il n'y a pas de problème sur la bande d'arrêt d'urgence, il ne gêne pas la circulation, mais du coup ça ralentit quand même, donc beaucoup de monde ce matin sur la route encore, et au 05 34 34, vous faites un boulot formidable, merci. I'm so hot, I'm hotter than lava is. I don't know what you thinking, but I hope you thinking what I'm thinking, which is your head bobbling. Don't knock on doors, but Jehovah's my witness. And I treat sex like it's physical fitness. Up and down like the stock market. Now, baby, let me give you the business. Cara linda, pecho hecho. Ay, que rica, ale chica. Pelo lacio, mira eso. Dale loca, dame un beso. Le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 04 04. L'horoscope dans un instant sur Énergie. Auparavant, je vous rappelle les deux points chauds de la matinée au niveau du pont de Laty. Un bus est en panne et la circulation se fait sur une voie de façon alternée, régulée par la gendarmerie du Mont d'Or. Mais la file remonte bien au-delà des pompiers du Mont d'Or. Et puis, deuxième point plutôt tiède puisque c'est un camion qui est bien sur la bande d'arrêt d'urgence. Il a un pneu crevé, mais c'est un gros camion et donc il y a une circulation qui se fait un peu au ralenti également juste avant le pont du Médipôle dans le sens Païta à Nouméa. Et avant l'horoscope, on joue. Énergie et la compagnie Caravan Spoutnik vous proposent le spectacle de théâtre. Comique. Mais pas que. Elki, au Centre Culturel du Mont d'Or. Elki, au 3511. 231 pour le SMS. Et vous jouez ce matin. elle qui une invitation pour le spectacle de ce 25 septembre. C'est dimanche soir. Une pièce comique, elle qui vous envoyez, elle qui donc, au 3511 E2LE. QI. Ah oui, elle qui, quoi, qui fait quoi? Ah bon, on vous en parlera plus tout à l'heure. En tout cas, c'est une invite pour deux personnes à vous de jouer. Tirage au sort à 7h10. Tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre. Centre-ville, Port-Plaisance et Belleville. Bonjour à tous, excellent mercredi 21 septembre. L'horoscope des béliers, c'est l'été pour vous, le côté morose. Ce n'est pas votre tasse de thé, vous rayonnez. Taureau, si vous en avez marre du célibat, que la situation vous pèse, organisez-vous pour sortir. Gémeaux, vous avez décidé de faire plaisir autour de vous. Cancer, vous traversez une période de renouveau, de nouveaux partenaires ou associés, de nouvelles propositions. Lion, les perturbations ne vous encombrent plus l'esprit, vous avez pris confiance en votre partenaire et inversement. Vierge, des petits ennuis familiaux vous poussent à prendre des décisions que vous n'aviez pas forcément prévues. Les balances, l'envie et le besoin de rester chez vous se fait sentir. Hein. Vivement, une journée cocooning. Scorpion, vous recherchez l'équilibre dans votre vie. Cela passera par une sérieuse envie de vous remettre en question. Vous placez la barre très haute. Les Sagittaires, les astres vous aident à garder le cap. Capricorne, vous serez à la recherche d'une harmonie absolue et mettrez tout en œuvre pour l'atteindre. Verseau, vous vous montrerez comme un véritable redoutable négociateur. Et les Poissons, si vous décidez de faire fondre la personne que vous convoitez, vous aurez toutes les chances d'y parvenir. Excellente journée à tous. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-ville, Port-Plaisance et Belleville. Love. Matériaux Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28-04-04. Beaucoup de choses à vous annoncer ce matin. On va d'abord se diriger avec Delphine sur le journal de 7h dans notre édition. Qu'est-ce qui sera à la une ? Eh bien, Pulse, c'est le plan d'urgence local de soutien à l'emploi. Le gouvernement a fait un pas de plus dans ce sens hier. On en parle dès 7h. Très bien, merci Delphine. On peut te libérer si tu veux pour préparer la suite de l'édition de 7h. On vous rappelle qu'on joue actuellement avec le spectacle El Qui. C'est comme ça. Avec une musique bien sympa d'ailleurs, cette musique est de Sacha et Sacha Terra. Damien Durieux a écrit et mis en scène la pièce El Qui, c'est la compagnie Caravan Spoutnik. Ça raconte l'histoire de deux femmes dans notre société. Elles sont en couple, entre elles, au travail, en famille et tout simplement dans un quotidien empreint de tradition. Et voilà, il y a quatre dates pour vraiment passer d'excellents moments. Et là, je vous offre avec notre collègue Myriam Misma qui est dans cette pièce en compagnie d'autres excellents comédiens. C'est au Centre culturel du Monde du 23 au 25. Donc ça commence vendredi. On vous offre des places, nous, pour dimanche soir au Mont d'Or à 18h. Il y aura également la semaine prochaine. Pour l'heure, c'est deux places. Une invitation pour deux personnes pour ce dimanche 25 septembre. Envoyez L qui au 3511 231 francs le SMS. Et puis maintenant, je vous parle de Déborah. Déborah, dans l'Ancien Testament, c'est le sens donné au prénom qui serait abeille. Cet insecte symbolisait la femme parfaite, absolument. Déborah est ambitieuse, autoritaire, courageuse, énergique, d'adaptation facile. Elle sait foncer le cas échéant pour saisir les opportunités. Le sens des réalités et du concret étant développé chez cette femme plutôt matérialiste. Hein. C'est un prénom rare. Sa meilleure année, c'est 1989 avec 1419 naissances de Déborah. Quel succès ! En 2013, il n'y a eu que 45 filles qui ont reçu le prénom de Déborah et l'âge moyen actuellement est de 27 ans. Et puis, côté route, on vous rappelle, un bus est en panne au niveau du pont de Laty. La circulation se fait de façon alternée, régulée par la gendarmerie. Du coup, gros embouteillage lorsque vous venez du Mont d'Or. Et puis, un camion est avec un pneu crevé sur la bande d'arrêt d'urgence. Juste avant le nouveau pont du Médipôle, là, pas de problème de circulation. Simplement, une circulation fort dense. Énergie Nouméa, 93.5. Retrouvez aujourd'hui chez votre revendeur habituel des nouvelles calédoniennes le magazine Immo Le Mag CINC. Découvrez toutes les offres immobilières de plus de 42 agences. N'oubliez pas, Immo Le Mag est disponible aujourd'hui chez votre revendeur habituel des nouvelles calédoniennes. Immo Le Mag, le magazine de l'immobilier des nouvelles calédoniennes et de la 5 Confédération immobilière de Nouvelle-Calédonie. Freeride fête ses 7 ans jusqu'au 1er octobre. Profitez de prix anniversaire jusqu'à moins 40% sur les gammes windsurf, kite, stand-up paddle et surfwear. Freeride, 250 mètres carrés dédiés à la glisse, rue Bénébig face à Jouer Club. Plus d'infos sur www.freeride.nc. Le ciné, c'est bien. Mais si votre séance est gratuite et fait du bien à la Terre, c'est mieux. Du 20 au 29 septembre, profitez du Festival du film Santé Nature 2016 de PLP. Ensemble pour la planète vous invite à toutes les séances suivies d'un débat sur l'actu environnementale calédonienne. Tout le programme des projections à Nouméa, Dambé à la fois, Bourail et Pointe-d'Imier sur le site www.eplp.asso.nc. La cuisine au restaurant Marmite et Tire-Bouchon, une affaire de passionnés. Régalez-vous d'une cuisine délicieusement originale. Des nouvelles recettes chaque semaine, le goût de l'innovation dans une carte pleine de saveurs, une formule de prix sans surprise, à tarif unique, au choix, à la carte. Le restaurant Marmite et Tire-Bouchon, une cuisine de caractère. Ouvert 7 jours sur 7, midi et soir, baie de l'Orphelinat. Réservation au 25 17 05. Le 24 septembre 2016. Le gouvernement a l'honneur de vous convier à la 11e fête de la citoyenneté sur le site de Chélo à Poum. Ateliers, forums citoyens, expos, animations culturelles. Rejoignez-nous autour de nos valeurs communes. Et aussi à Nouméa, au centre culturel Chibaou, venez nombreux partager à partir de 16h un concert exceptionnel de chorale gratuit. Renseignements au 24 65 65 ou sur le site gouv.nc. Ceci est un communiqué du gouvernement. Vous voulez un secret pour vendre facilement vos jeux vidéo, votre matériel informatique, vos bijoux, bref, convertir tous vos objets en cash ? Eh bien, approchez-vous, là, près du poste. Ça y est ? Allez dans le magasin Cash Converters qui vient d'ouvrir près de chez vous. Ils convertissent tous vos objets en cash ! cash. Ah oui, ça surprend. Cash Converters convertit tous vos objets en cash. Nouveau Cash Converters à Ducos. 11 route de la Baie des Dames. www.cashconverters.nc. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie, it's music only. Bonne nouvelle, la circulation reprend avec le bus qui était enlevé au niveau de Saint-Louis. Donc la circulation repart doucement, mais ça repart. C'est la bonne nouvelle là du moment. Merci de vos appels au 05 34 34. Allez, pour suivre, il y aura Redon sur Énergie. Et puis, dès maintenant, Valentine's Day avec David Bowie. Bonne route! Somebody, my mountains. You're alone, alone, alone. You want me now. I'm inside all night. love you straight through the night. Call me up the grip, so make me squeeze you tight. Cause I promise if you let me go, I'ma do you right. If you let me in, I won't let you out my sight. You're sweeter than a honeycomb. Girl, I wanna be the man to take you home. I will listen, tell me anything you like. Hope you keep your body running till I daylight. Avec un Coca-Cola bien frais, savoure chaque journée. Vibre au rythme de l'amitié. Profite de ta vie. Ajoute un peu de folie. Savoure chaque moment. Savoure l'instant. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Il est 7h, ça va mieux du côté de la circulation au Mont d'Or. Le bus en panne a été retiré. Bonne fête à Déborah et à Mathieu. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement lance un plan pour soutenir l'emploi et puis deux mineurs interpellés dans l'enquête sur la fausse alerte attentat. Enfin, la situation est tendue en République démocratique du Congo. Nous sommes le mercredi 21 septembre. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Dans l'actualité locale, le plan d'urgence local de soutien à l'emploi prend corps. Le gouvernement a fait un pas de plus hier vers la mise en œuvre des mesures prévues par le PULS. Parmi les plus importantes, on note l'ouverture des prêts à taux zéro, familles de deux personnes pour les aider à l'achat ou à la construction de logement, l'étendue de l'indemnisation du chômage partiel grâce à une enveloppe de 450 millions de francs de plus d'ici 2017, fin 2017, ainsi que la possibilité pour les entreprises qui obtiennent un marché de moins de 100 millions de francs avec une collectivité d'avoir une avance de 25%. Cela limite les problèmes de trésorerie ou bancaire. On écoute Philippe Dunoyer, porte-parole du gouvernement. Le gouvernement a arrêté effectivement aujourd'hui deux projets de délibération, trois arrêtés et trois conventions qui donnent corps au plan d'urgence local de soutien à l'emploi qui nécessite un partenariat d'abord avec les provinces. Je commencerai par là avec trois conventions donc, dont le contenu a été arrêté ce matin. Chacune dans leur domaine de compétences naturellement interviendra, mais la Nouvelle-Calédonie veut accompagner cet effort et ce sont 230 millions qui sont esquissés sur ces trois conventions entre maintenant et la fin de l'année 2017. L'objectif vraiment prioritaire, c'est soutenir l'emploi alors en direct ou en indirect. En direct, lorsqu'une personne ou est en difficulté ou a perdu son emploi, on peut l'aider au travers des conventions avec les provinces à retrouver un emploi ou à créer une entreprise. On peut aider aussi des entreprises malgré tout, parce que la période le permet, à créer des emplois. Si on l'allège de certaines charges, notamment financières, pourquoi pas. Et puis surtout, soutenir des entreprises qui sont dans une situation où elles envisagent des licenciements ou des diminutions de leurs effectifs. Sur la somme globale que la Nouvelle-Calédonie souhaite engager dans les conventions avec les provinces, 80 millions de francs sont d'ores et déjà inscrits au budget supplémentaire 2016. 50 millions pour la province sud, 20 millions pour la province nord et 10 millions pour la province des îles. La reconstruction du ponton du Château Royal prend forme. Lundi, la députée maire Sonia Lagarde manifestait son intention de reconstruire l'ouvrage. Eh bien, hier, la province sud a annoncé l'ouverture de discussions dans ce sens, dans l'objectif de conclure un partenariat financier avec la ville. Depuis le 14 septembre, l'ouvrage est fermé en raison d'accidents enregistrés ces derniers mois. En attendant de réfléchir au financement pour le rebâtir, eh bien, le ponton restera fermé. L'incendie à Ouégoua a été maîtrisé. Il aurait ravagé au total 900 hectares de végétation. L'exploitation porcine et l'habitation attenante ont été préservées. Lundi, le niveau 2 du plan hors sec feu de forêt avait été déclenché par le président du gouvernement, impliquant l'envoi de renforts. Les moyens de secours engagés poursuivront leurs efforts encore aujourd'hui afin de parfaire l'extinction solution en traitant quelques points chauds subsistants. François Hollande a lancé mardi un appel pressant à la communauté internationale pour mettre fin au conflit en Syrie. Je n'ai qu'un seul mot à dire, ça suffit. Voilà ce qu'a lancé le chef de l'État français, pointant le régime syrien responsable, selon lui, de l'échec du cessez-le-feu conclu sous l'égide des États-Unis et la Russie. La tragédie syrienne sera devant l'histoire une honte pour la communauté internationale si nous n'y mettons pas fin rapidement, a-t-il affirmé en qualifiant Alep de ville aujourd'hui martyre. Des milliers d'enfants sont écrasés sous les bombes, des populations entières sont affamées et des convois humanitaires attaqués. Des armes chimiques sont utilisées, voilà ce qu'a rappelé le président français. Il a posé quatre exigences de la France dans ce dossier. Imposer un cessez-le-feu, assurer l'acheminement immédiat de l'aide humanitaire, permettre la reprise des négociations politiques et sanctionner le recours aux armes chimiques. De nouvelles interpellations dans l'enquête sur la fausse alerte à l'attentat terroriste. Trois mineurs ont été interpellés depuis lundi dans le cadre de cette enquête sur la fausse alerte à l'attentat qui a entraîné samedi, rappelez-vous, une vaste opération de police dans le centre de Paris. Un premier adolescent de 16 ans qui se présente sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Tyler Swatting a donc été interpellé lundi dans la Marne. Il a reconnu lors de sa garde à vue être l'un des auteurs du canular. Deux autres mineurs âgés de 17 et 14 ans ont été interpellés à leur tour mardi, respectivement en Vendée et en Lozère. Les enquêteurs cherchent maintenant à déterminer si le plus âgé est le second hacker, un pirate informatique. Une nouvelle vague d'arrestations dans l'enquête sur le vrai attentat de Nice, par contre. Eh oui, 8 personnes ont été interpellées mardi à Nice et dans ses environs, dans l'entourage de Mohamed Lawajed Boulel, auteur de l'attentat du 14 juillet dernier à Nice qui a fait 86 morts. Ces interpellations ne sont a priori pas cruciales pour l'enquête et constituent plutôt de la fermeture de portes. Cette attaque revendiquée par le groupe État islamique semble avoir été mûrie pendant plusieurs mois par l'assaillant qui a bénéficié de soutien et de complicité. 6 personnes ont été mises en examen déjà dans le cadre de cette enquête. Flambée de colère et de violence en RDC. Et les manifestations lancées à l'appel des principaux partis d'opposition qui n'entendent offrir aucun délai supplémentaire au président sortant démontrent que la rue congolaise demeure hautement inflammable. Organisée dans plusieurs villes du pays lundi, date à laquelle aurait dû être convoqué le corps électoral, elles se sont soldées dans la capitale par des violences meurtrières. L'ONG Human Rights Watch évoque quant à elle au moins 30 personnes qui ont été tuées par les forces de sécurité. Et pour terminer, Brad Pitt et Angelina divorcent. Ouais, t'arrives même pas à le dire tellement tu es ému. Leur mariage en 2014 a été l'une des unions les plus attendues de la planète, surtout par JB. Après 12 années passées ensemble, Angelina Jolie a demandé le divorce de son époux Brad Pitt. Ensemble, ils étaient l'un des couples les plus glamour d'Hollywood. L'actrice et réalisatrice américaine de 41 ans a donc demandé la garde de leurs 6 enfants et requis au juge qu'ils permettent des visites à Brad Pitt. Tu vas devoir enlever les posters au-dessus de ton lit, JB. Je vais garder ceux d'Angelina. Tu vas les couper? Ça peut l'impressionner si elle passe. Oh, quand même, c'est gentil. Donc ça fait la une de tous les journaux, ça, ouais. C'est incroyable. Et donc l'info insolite qui aurait pu faire la une aussi, c'est quoi? Eh bien, on part en Nouvelle-Zélande. Un autostoppeur français de 27 ans était tranquillement en vacances en Nouvelle-Zélande lorsqu'il a carrément pété les plombs. Pendant 4 jours, il a essayé de sortir de... Alors, je ne sais pas si tu connais Punakaiki. C'est une localité touristique de moins de 100 habitants qui est dans l'île du Sud, dans le nord-ouest de l'île du Sud. C'est tout petit, voilà. Oui, c'est pas bien gros. Hein. En bordure. Et il n'a pas réussi à sortir. Mais vraiment pas. En stop. Et il s'est complètement énervé. Il a insulté les passants. Il a arraché les panneaux de signalisation. Il les a balancés à la mer. Et il a fait quoi déjà? Ah oui, il a insulté tout le monde. Et du coup, il s'est fait arrêter. Et lors de son procès. Il a trouvé un taxi là, du coup. Eh non, mais bon, il n'y a pas forcément de taxi. Tu sais, les petites villes. Les gendarmes qui sont venus le chercher. Ah oui, là, ils sont venus le chercher. Ils l'ont ramené dans une ville un peu où il y avait un peu plus d'habitants. Devant le tribunal de Greenmouth, il a lancé aux journalistes que le pays devrait s'appeler Nazi-Zélande et pas Nouvelle-Zélande, tellement il est énervé. Tu vois, JB, c'est ça. Vous, les hommes, vous osez jamais demander votre chemin et voilà ce qui se passe au moment où vous pétez les plombs. Il est allé un petit peu loin. Enfin, le pauvre 4 jours, quand même. J'espère que c'est pas un Calédonien, peut-être qu'il nous entend. Il est peut-être revenu ici. Oh non. Ouais, il s'est pris une bonne amende. Hein. Oh non, un mec qui gueule comme ça, non, c'est pas un Calédonien. C'est pas notre genre. Ils sont pas grande gueule. Ah non, ça risque pas. Ça craint quand même. Là, tu nous as lâché une bombe, là, quand même. Non, mais c'est possible que ça soit quelqu'un d'ici. Ah oui, c'est possible. Ou pas. Pourquoi pas? Très bien. S'il se reconnaît, il ne nous appelle pas. Non, bah non, c'est sûr. Merci Delphine. Dans un instant, on fait le tirage au sort pour offrir les deux places pour le spectacle Elle qui au monde d'or. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. La journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. C'est le théâtre qui s'invite chez vous. Voici le coup de fil gagnant. Énergie et la compagnie Caravan Spoutnik vous proposent le spectacle de théâtre. Comique. Mais pas que. Elki, au Centre Culturel du Mont d'Or. Elki, au 3511. 231 francs le SMS. Allez, ça sonne chez quelqu'un qui nous a envoyé ce SMS. Elle qui ? Allô ? Allô, bonjour ! Bonjour ! C'est en direct sur Énergie qu'on a le plaisir de vous accueillir. Quel est ton prénom ? Linda. Linda, c'est gagné pour le spectacle de dimanche. Alors, super. Donc, c'est pour deux personnes. D'accord. Spectacle comique. Alors, c'est une pièce qui a été écrite par Damien Durieux. Et c'est une pièce qui va vous emmener dans l'imaginaire incroyable de ce spectacle où on va trouver des situations plus improbables les unes que les autres, qui semblent pourtant couler sur les personnages. Et voilà, c'est une famille un peu curieuse sur laquelle on va découvrir eh bien, les femmes. Elles sont entre elles, elles sont dans leur quotidien, ils sont au travail, ils sont en couple. C'est un bon moment à passer. Ravi de t'offrir ces deux places. Merci. Alors pour tous ceux et celles qui veulent y aller, bien sachez que les représentations ont lieu à partir de vendredi, samedi et dimanche, puis la semaine prochaine du 29 au 1er octobre. En semaine, c'est à 20h, le week-end, c'est à 18h. Linda, ravi de t'offrir ce cadeau. Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu es déjà au travail ou tu es en déplacement actuellement ? Non, dans les bouchons au Mont-d'Or. Dans les bouchons, encore, ça devrait se dégager pourtant. Oui, mais après, c'est la routine. Oui, d'accord. Ah bah oui, beaucoup de monde. Hein, depuis 5h30, il y avait un bus en panne. On nous a appris un peu avant 6h30 que le bus avait été enlevé et la circulation se faisait de façon alternée. Une petite demi-heure de plus. Bon, bah écoute, en tout cas, cette demi-heure t'a permis de gagner cette invitation pour le spectacle qui se déroule au Centre culturel du Mont-d'Or. On t'embrasse et puis ne raccroche pas. D'accord, merci beaucoup. Merci Linda, bravo. Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5 www.a5.nc, le site de référence de la location de véhicules. -10% si vous payez en ligne sur a5.nc. L'apprentissage est. Ouverture des inscriptions en août. CAP, BAC, BTS et Bachelor. L'alternance, un diplôme, un salaire. Inscription au point apprentissage. Plus d'infos sur le www.apprentissage.nc. L'apprentissage est. Voilà le messager. Le Hard Café du Quartier Latin, convivial et carrément cosy pour vos after work. Toute l'actu sur Facebook Hard Café. DIS, votre spécialiste des pièces détachées Land Rover, Jeep et 4x4 d'origine américaine, vous offre aussi le montage sur tous leurs accessoires. Jantes, pneus, amortisseurs, kit suspension, boule bar, treuil. DIS, des spécialistes pour vous conseiller. DIS, Esprit 4x4, 13 rue Champion à Ducos ou Facebook DIS 4x4. Le carrelage et la faïence à prix cassé, c'est Courtois Revêt Sol Païta. Courtois Revêt Sol Païta, la bonne adresse pour les liquidations, les fins de série et les grosses quantités. Courtois Revêt Sol Païta, ouvert du lundi au vendredi, zone industrielle de Païta. Courtois Revêt Sol, le choix, la qualité, les prix. Chérie, je t'emmène au resto ce soir avec les enfants. T'as gagné au bingo ? Non, j'ai réservé sur le nouveau site Reza.nc. Il y avait une promo à ne pas rater. C'est génial ça ! Ouais, sur Reza.nc, tu peux avoir des remises jusqu'à moins 50%. Et ça marche aussi pour les hébergements et les activités. Tu réserves tout ça sur le même site ? Oui, c'est ça. www.reza.nc. Reza.nc. Cliquez, réservez, économisez. Après Munich, Oktoberfest débarque à Nouméa avec GBNC Events et Énergie. Retrouvez l'ambiance festive et conviviale de cette fête bavaroise, mise en musique par la fanfare Malawi, ainsi qu'une sélection de 4 groupes locaux de référence. Venez célébrer ce rendez-vous incontournable et passez de bons moments entre amis lors de ces 6 soirées gratuites. Retrouvez tout le programme d'Oktoberfest sur le Facebook GBNC Events. Énergie Nouvelle-Calédonie. Music Station. Nous, c'est Énergie Non-Stop. Énergie. Énergie. Énergie. It's music only. Yeah.

je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure. Pyrogravure. J'adore ça, c'est Dionysos sur Énergie. Détendez-vous tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre nouveau concept, les Buddha Bowls, tous les midis du lundi au samedi. Julien Santini, alors il fait du one man show ou du stand-up? Réponse sans plus tarder. Bon, je me rappellerai toujours aussi ces faits de moments difficiles. Ses débuts dans le milieu du café-théâtre où j'ai croisé ce patron de café-théâtre qui m'a vu et qui m'a dit « Bon, je t'ai regardé, je t'ai pas vu en entier, mais enfin voilà, je t'ai quand même bien vu pendant 3 minutes. » Et tu dirais qu'au final, mais c'est quoi ton style ? Honte ! Oh oui ! Oh, mon style, tu vas bien... Oh, je vais l'énerver, tu vas rien comprendre. Oh, il m'a énervé. J'ai eu envie de lui répondre par une punchline. C'est une phrase qui tue. Fuck a punchline. Et en plus, c'est une phrase qui est de moi, parce que je suis quelqu'un qui se cite. Alors la phrase, c'était « Si je savais exactement ce que je faisais, je serais commercial. » Ra, ra, ra. Fuck a punchline. Bon, je t'ai déglingue, mec, et je te ken, je te requen. Je t'entends, hop, hop, hop, hop, hop. Bon, ben, je lui ai pas dit ça. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que c'est mon style? Et oh! Et ça va, oui? Qu'est-ce que c'est mon style? C'est pourtant évident. Même vous, je sais que ce soir, vous l'avez compris. En moins de 2 minutes, je sais très bien que vous avez bien compris que voilà, mon style, on n'en sait strictement rien. Mais lui, il ne le comprend pas. Et vas-y, qu'il lâche pas l'affaire et qu'il me dit « Oui, mais en fait, j'ai compris, ton style, c'est le one-man show. » Ah, tu sais pas si tu fais du one-man show? Alors ça, c'est très grave, hein. Il y a un moyen imparable de savoir si tu fais du one-man show. Il suffit de répondre à la question suivante. Est-ce qu'à ton spectacle, les gens rigolent toutes les 4 secondes? « Bon, ben ce soir-là, voilà, moi j'apprends que je fais pas de one-man show. Et le mec m'enchaîne, mais peut-être que ton style, en fait, c'est le stand-up. Donc moi, je pose la question, mesdames et messieurs, est-ce que je fais du stand-up ? Hein, est-ce que moi, je me suis présenté à vous tout à l'heure, avec un micro dans la main, l'air très cool, très décontracté, très cool, et est-ce que je vous ai dit... Ok, ok, bonsoir. Ok, c'est cool, bonsoir, faites un maximum de bruit, j'entends rien. C'est quoi cette ambiance de décédé ? Bonsoir. Ok, c'est cool, c'est cool. Je suis super content d'être là, pose ton soutien-gorge. Non, sérieux, je suis super content d'être là, à base de joie. Et ok, je m'appelle Julien Santini et j'ai remarqué un truc récemment. Ouais, tu sais, c'est le genre de truc, tu sais, on a tous fait ça, on est dans son salon, on se rend compte du truc de ouf et on se dit, mais mec, t'es sérieux? Tu sais, c'est... t'es sérieux? Ok, moi je me suis rendu compte, en fait, que dans la vie, quand on s'arrête de respirer plus de 8 minutes 15, on meurt! Et là, tu dis, mais mec, t'es sérieux? Tu dis, mais c'est... t'es sérieux? Ok, c'est cool, pose ton soutien-gorge. C'est cool, je m'appelle Julien Santini et c'est tout pour moi, bonsoir. Voilà. Donc il est quand même évident que je fais pas de stand-up non plus. Du délire et les meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec le restaurant La Terrasse de Hilton. Découvrez notre formule Buddha Bowls. La journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. 28 04 04.

Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé après tout le monde à l'animalerie? On a dû prendre les restes? Le coq est assimilé aux Gaulois dès l'Antiquité, et il faut chercher son origine dans un banal jeu de mots. Nos voisins, et néanmoins ennemis, les Romains, se moquaient des Gaulois, dont la dénomination Gallus signifiait « coq » en latin. Ces satanés Gaulois sont comme leur coq. Ça se vante et ça braille plus fort que tout le monde dès le matin. Quoi? Moi? Grand gueule? Viens me prêter ta tronche que je m'en serve de paillasson. Le coq, il ne fera jamais le poids face à l'aigle romain. D'accord, on n'a pas le plus viril des oiseaux, mais on a le sens de la rhétorique. Pour les Gaulois, le coq est un animal courageux et un ami du Christ. Alléluia! L'oiseau de la lumière, de la foi, l'ennemi du mal et des ténèbres. Oh! Eh oui, il en fait des choses, notre cocorico. Et encore, vous l'avez pas goûté avec une bonne sauce au vin. C'est donc à cause d'un malheureux jeu de mots que le coq surmonte de nos jours le drapeau français et qu'il est brodé sur les maillots de foot des Bleus. Mais enfin, n'oublions pas qu'il y a plus mal loti ailleurs. À la grande loterie des emblèmes, les Gallois, eux, ont tiré le poireau. Vous saurez tout dans la minute du professeur Van der Kroot. Avec Cuisine Plus, chez Socapor Plexus Ducos, créez la cuisine qui vous ressemble. Fabrication 100% européenne, solidité et finition haut de gamme. J'ai vu la fin souvent, j'ai vu les portes se fermer. Tant j'ai de mal à te cerner. Ta mélancolie en ces dimanches passés affalés. J'ai vu des tonnes de paires de jambes à l'envers. Crois-moi, je te jure, c'est les tiennes que je préfère. Wow. Quand t'étais détestable de rester agréable. Et j'étais sûr que j'étais doux. Et j'étais tout sauf ça. J'ai cru que ce serait facile du côté tactile. Grâce à toi j'ai compris le sens du mot touride. Et juste pour ça. Oh my sweet darling. Tous les refrains, la sueur de ce soir. Où vous et moi, un peu par hasard. J'ai vu les premières fois des hauts, des bas. Et tant des bas sur des gens comme moi. Attention à toi, car tes fesses, moi, je m'en lasse pas. Oh my sweet darling. Carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going up on this. Since we crave it, whoa. Let's lose our minds and go crazy. Oh, yeah. Keep on hoping with the cake by the ocean. Whoa, call me, baby. I'll be pretty, you'll be nice. waist down with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Énergie, il est 8h, merci d'être avec nous. Dans un instant, ce sera caféine. Auparavant, on aura une session info et page de sport. Bonne fête à Déborah ainsi qu'à Mathieu. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Le plan d'urgence locale de soutien à l'emploi prend corps. Parmi les plus importantes mesures en note, l'ouverture des prêts à taux zéro aux familles de deux personnes ou encore l'étendue de l'indemnisation du chômage partiel. La reconstruction du ponton du Château Royal prend forme. Hier, la province sud à son tour a annoncé l'ouverture de discussions pour reconstruire l'ouvrage, mais en attendant, il restera fermé. L'incendie de Ouégoua a été maîtrisé, il aurait ravagé au total 900 hectares de végétation. Et puis François Hollande qui a lancé mardi un appel pressant à la communauté internationale pour mettre fin au conflit en Syrie. Je n'ai qu'un seul mot à dire, ça suffit, a-t-il déclaré. Et puis deux nouvelles interpellations dans l'enquête sur la fausse alerte à l'attentat terroriste. Deux autres mineurs âgés de 17 et 14 ans ont été interpellés à leur tour en Vendée et en Lozère. Huit personnes ont été également interpellées mardi à Nice dans les environs, dans l'entourage de Mohamed Lajoued Boulel. C'était l'auteur de l'attentat à Nice. Flambée de colère et de violence en RDC, les manifestations ont lancé à l'appel des principaux partis d'opposition qui n'entendent offrir aucun délai supplémentaire au président sortant, démontrent que la rue congolaise demeure hautement inflammable. Enfin, après 12 années passées ensemble, Angelina Jolie a demandé le divorce de son époux Brad Pitt et la garde de leurs 6 enfants. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Yokohama, l'art de la performance. Bon Karen, tu prends Brad et moi je prends Angelina. Ouais. Et on va débuter. Et moi je prends les 6 enfants. Tu prends les gosses. Oh bah oui. On débute par la 6e journée de Ligue 1. Et Paris a donc conforté son avance en l'emportant 3-0 face à Dijon ce matin. C'est un deuxième succès de rang en Ligue 1 pour le PSG et une première cette saison. Ça va mal pour Lille. 4 points pris sur 18 et une dernière place possible au terme de la 6e journée. Lille réalise un début de saison très compliqué puisque ce matin, pour la première fois depuis 6 ans, le LOSC a perdu à domicile contre Toulouse 1-2. Nzogbia a dit oui à Nantes. Et oui, la fin du petit feuilleton. Charles Nzogbia, 30 ans, a finalement accepté la proposition du FC Nantes faite par la direction du club la semaine dernière. Le milieu de terrain offensif qui est libre s'était donné une semaine de réflexion pour donner sa décision. Joey Barton, accusé de pari illicite par la fédération écossaise. Eh oui, il fait de nouveau parler de lui pour des raisons extra-sportives. Cette fois, le milieu des Glasgow Rangers est visé par une enquête pour des paris illicites. La fédération écossaise de foot soupçonne Barton d'avoir parié sur une lourde défaite du Celtic Glasgow. C'était face au FC Barcelone, mardi en Ligue des Champions. On rappelle que le Celtic avait perdu 7-0. Or, la fédération a mis en place un règlement strict interdisant aux joueurs de parier sur du foot. Et en tennis, Gaël Monfils fait redescendre la pression. Et le malaise entre Yannick Noah et Gaël Monfils, forfait face à la Croatie, semblait net dimanche après l'élimination des Bleus en demi-finale de Coupe Davis, mais en publiant un selfie avec son capitaine, le joueur a calmé le jeu. Si tu aimes le sport, écoute Sport News avec les pneus Yokohama chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Tous les matins, de 8h à 9h, dans Caféine, c'est Karen qui prend les commandes. Avec FitZone, découvrez le studio HIIT. Explosivité, minceur et résultats garantis. Plus d'infos au 24 16 80. Ouais, Brad, il est libre. On va fêter ça. Ah ouais, oh, doucement, elle va exploser la bouteille. Ouais. JB, pourquoi t'as du rouge à lèvres sur la joue droite? Mais c'est Angelina. Ah, déjà, ah ouais. T'as pas perdu. Ah bah, c'est pour t'as ça qu'elle a rompu. Perdu de temps, toi. Et pourquoi t'as plein de taches de chocolat sur la manche gauche? Ça, c'est les gosses. Non, c'est gosses, ça, c'est toi. Bon, bah voilà, on va fêter ça dignement, bien entendu. C'est horrible. Ouais, c'est horrible parce que le bonheur des uns fait le malheur des... Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ouais, j'aime bien les expressions. Exact. Mais non, c'est beau, c'est triste, mais c'est la vie. Hein, maintenant, on est habitué aux ruptures. Allez, on va écouter Zipper Club ce matin dans Caféine. Il y aura Chet Faker aussi et Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling. On va jouer au ciné aussi avec eh bien, le Ciné City. Vous envoyez ciné au 3511. Ça vous coûtera 231 francs le SMS. Et justement, il y a Jason Statham qui lui aussi est libre et qui est au cinéma dans le film Mécanique, si ça vous intéresse. Ouais, il va pouvoir tourner des nouveaux trucs là, Brad. Il sera libre, plus d'engagement. En plus, c'est elle qui garde les gosses, non? Oui, c'est ça. Elle demande la garde exclusive physique. Ouais. Physique, mais qu'est-ce qu'il a fait encore? On saura tout, on va savoir les détails croustillants. C'était comme avec Johnny Depp. Allez, c'est parti. A cigarette.